Chapitre 2e. Une ancienne maîtresse. Tant d'années, les journaux pliés sous leurs bandes, que le cou du jeune homme froissait durant cet après-midi commencé sur une impression si douloureuse, portaient en effet à la date de 1886, et c'était en avril 1877 qu'il avait parlé à Pauline Raffray pour la dernière fois. D'autre part, il l'avait rencontrée pour la première fois vers la fin de l'hiver 1876. 12 mois de sa vie à peine tenaient dans ce souvenir de femme. Mais les amours qui laissent après eux une cicatrice ineffacée ne sont pas toujours ceux qui ont duré le plus longtemps, ni ceux qui abondèrent en incidents romanesques ou tragiques. Quand une maîtresse a blessé une certaine place profonde et malade de notre cœur, elle a beau n'avoir eu de nous que quelques semaines, elle nous demeure inoubliable et à jamais vivante. Nous mettons entre elle et nous la distance, le temps, d'autres visages, d'autres caresses, d'autres joies, d'autres douleurs. Rien n'y fait. Nous l'avons dans le sang. Comme dit une énergique et si juste expression du peuple. Il faut ajouter que cette première rencontre de Francis Nérac avec Pauline Raffray s'était accomplie dans des conditions particulièrement dangereuses pour lui. Il avait alors 25 ans. Ayant perdu très jeune son père et sa mère, toutes ses affections de famille s'étaient reportées sur une sœur unique, Mademoiselle Julie Archambault, mal mariée et peu heureuse. Cette sœur, son aînée de 4 ans, l'avait élevée dans cette période difficile de la fin de l'adolescence où la tendresse ne sert de rien quand elle n'est pas accompagnée par un sens très juste des lois vraies du monde social. Julie commença par vouloir garder son frère auprès d'elle. Il fit donc son droit aussitôt à sa sortie du collège, reculé d'une année à cause de la guerre, et il eut des aventures très banales, vulgaires, qu'elle sut et qui lui firent peur. Elle pensa que la fortune et l'oisiveté allaient le perdre, et elle considéra comme un grand sacrifice, mais nécessaire, de l'occuper et de l'occuper loin de Paris. Les tristes expériences de son mariage lui donnaient ce préjugé contre cette capitale, qui est aussi fréquent chez certaines femmes très honnêtes que le préjugé contraire peut l'être chez certains boulevardiers. Elle se trompait. Si la facilité de plaisir qui se rencontre dans cette ville est funeste à beaucoup de jeunes gens, trop entraînables ou trop vaniteux, la solitude morale et intellectuelle de la province ou de l'étranger est plus funeste à quelques autres, prédisposés déjà aux abus de la vie imaginative et sentimentale. Ce fut toute l'histoire de Francis. À Paris, ses premiers désordres l'eussent vite lassé, et l'honnêteté profonde de sa nature l'aurait poussé aussitôt à ranger son existence dans ce qui reste la chance la plus probable du bonheur, le mariage jeune. Entré sur les conseils, presque sur l'injonction de sa sœur, dans la carrière diplomatique, pour laquelle il n'avait aucune espèce de goût, il fut pour son malheur attaché d'abord à une des légations les plus retirées d'Allemagne. En 1876, il venait donc de passer 2 années à Munich, presque absolument replié sur lui-même, occupé à lire, à rêver, à attendre la vie au lieu de commencer de vivre, dans une autre oisiveté, celle des chancelleries, où la fréquentation forcée et continue des collègues exaspère encore l'isolement intérieur quand elle ne produit pas l'amitié. Ces 2 années eurent pour résultat de développer en lui un état très particulier, qui se rencontre, mais passagèrement, chez un petit nombre de jeunes hommes destinés pour la plupart à devenir des artistes ou des écrivains, et d'une manière plus fixe, chez beaucoup de jeunes femmes mécontentes de leur sort ou dépourvues de stricts devoirs. Cet état, bien plus redoutable pour la sage hygiène de l'avenir que ne le sont de banales débauches, a été profondément défini d'un mot célèbre par le plus humain et le plus troublé des pères de l'Église. Il consiste à trop aimer à aimer. Maladie inoffensive quand elle est courte, périlleuse et féconde en conséquences funestes lorsqu'elle se prolonge. Celui qui aime ainsi à aimer se complaît dans le mirage de romans avides que la réalité, semble-t-il, dissipera aussitôt. En fait, il s'habitue peu à juger insignifiant tout ce qui ne se rapporte pas de près ou de loin aux passions de l'amour. Les intérêts et les devoirs de son métier reculent dans sa pensée à une place secondaire. Le rêve généreux et viril de fonder une famille, celui de servir une haute cause idéale de science, d'art ou de politique, celui plus personnel de se distinguer par des triomphes de carrière, ces divers principes de robuste activité s'affaiblissent, s'étiolent, disparaissent pour laisser la place à la constante préoccupation de l'indéfini lendemain sentimental. Quand arrivera-t-il ce lendemain et quel sera-t-il? Celui qui aime à aimer emploie des journées et des semaines, des mois, à prendre et reprendre ce problème, dramatisant les passions par avance, épuisant leurs joies et leurs douleurs avant de les avoir éprouvées, se raffinant et se blasant à la fois, jusqu'à ce qu'il parvienne, par cette débauche de la rêverie et par cette folie du libertinage intellectuel, à un mélange unique de corruption et de naïveté. Les nuances les plus subtiles de la galanterie lui sont familières. Il n'ignore rien des roueries de la séduction, rien des complexités dont les théoriciens du cœur ont étalé les anatomies. En même temps, il garde comme une virginité d'émotions réelles qui tient à l'âge, à l'innocence physique de ses jours et de ses nuits. Francis en était là, de sa crise de jeunesse, compliquée chez lui du souvenir de ses sensualités précoces, lorsque sa sœur Julie Archambault rencontra Pauline Raffray, très mal mariée elle aussi, et elles se lièrent d'une de ces amitiés enthousiastes, comme la communauté d'un triste destin, le besoin de confidence et de sympathie, la sensation de l'hostilité ou de l'indifférence du monde ancrée si aisément, si rapidement entre deux femmes jeunes, désœuvrées et délaissées. Les lettres de Julie étaient pour Francis les grands événements de son exil. Elle écrivait avec tant de grâce dans l'esprit, et elle comprenait si bien, avec une telle indulgence, certaines choses subtiles du cœur de son frère, celles qu'il pouvait lui dire. À partir de ce moment, ses lettres furent pleines de Pauline, comme dans les conversations de Julie avec Pauline, sans cesse il était question de Francis. Le hasard redoubla la curiosité que Madame Raffray et Nérac devaient naturellement ressentir l'un pour l'autre. Lors des deux voyages que le jeune homme fit à Paris, après que sa sœur fut devenue l'amie préférée de Pauline, cette dernière était absente. Puis une circonstance qui suffit à troubler deux êtres absolument indifférents les rapprocha. Madame Archambault fut emportée en quelques jours par une fièvre typhoïde, et dans cette chambre d'agonisante, Francis, revenu d'Allemagne en toute hâte, aperçut pour la première fois la svelte silhouette de Pauline, ses cheveux châtains, son beau visage un peu trop pâle, mais animé par des yeux clairs presque gris, d'une si attirante tristesse. De tout temps, les poètes se sont accordés avec les physiologistes pour marquer le lien mystérieux qui unit les émotions de la mort à celles de l'amour. Est-il besoin de faire appel aux énigmatiques puissances de la nature pour constater que chez les femmes vraiment tendres, le plus dangereux auxiliaire de la chute est la pitié, comme le désespoir d'une perte irréparable est pour l'homme le plus compliqué un irrésistible conseiller d'éloquence simple. Francis et Pauline pleurèrent ensemble. Elle le vit souffrir et elle le plaignit. Il la vit le plaindre et il en fut pénétré. Elle était si jolie, si fine. Ses rapports étaient si tristes avec Raffray, banal et brutal viveur, qu'il ayant épousé pour son argent, était aussitôt retourné aux filles après un de ces drames d'alcôve qui laissent chez une jeune femme une inexprimable rancune. Trouvé alors chez un autre homme de caressante, de délicate manière, une intelligence des nuances du cœur à demi féminine, voir souvent cet homme dans une familiarité émue que l'on ne pense pas à se reprocher, parce que le principe en est si noble, c'est une épreuve redoutable et un péril très grand. Julie était morte au mois de mars. Au mois de mai, Francis n'avait pas quitté Paris. Il avait obtenu du ministère un congé illimité. Il était l'amant de Madame Raffray. Tristes amours, et qui, commencés dans les larmes et dans une atmosphère de mort, devaient continuer dans les larmes aussi, la torture intime, les pensées amères, et finir sur la haine honteuse que l'adultère fait trop naturellement sortir de ses ténèbres. Aujourd'hui encore, et après des mois et des mois, quand Francis avait su la présence inattendue de Pauline, c'est la mémoire de cette haine qui l'avait secoué d'un tel frisson, tant il en avait eu le cœur empoisonné jusque dans les fibres les plus secrètes, et en y songeant, comme il faisait dans cet après-midi de solitude, il n'arrivait même pas à comprendre la raison profonde des étranges troubles auxquels avait abouti presque aussitôt l'espérance. Coupable sans doute, mais pourtant si haute, lui semblait-il à distance de ce début de tendresse. Malgré cette perspective du temps qui permet de tout pardonner, parce qu'elle permet de discerner l'élément de fatalité mêlé au plus réfléchi de nos actes, il ne se rendait pas compte qu'un malentendu, en apparence insignifiant, en réalité irrémédiable, avait voué par avance cet amour aux crises les plus douloureuses. Pauline et Francis étaient en effet aimés, idolâtrés, possédés, avant, pour ainsi dire, de se connaître l'un l'autre. Leur cœur s'était donné, et leur personne, avant qu'ils eussent acquis une notion exacte sur leur caractère. La jeune femme ne savait du jeune homme que les traits dont lui avait parlé Julie. Elle avait vu en lui un frère désespéré, un isolé sans bonheur, un romanesque resté sans roman. Il était tout cela, mais aussi une sensibilité infiniment complexe et blessable, une imagination corrompue, défiante déjà et tourmentée, un soupçonneux et un inquiet, un esprit horriblement gâté par l'abus de la réflexion et de la rêverie, enfin une âme maladroite au bonheur, dans laquelle une passion mêlée de sensualité devait tourner à la jalousie avec une effrayante facilité. Lui-même, qu'avait-il vu dans Pauline ? La douce confidente d'une sœur chérie ? Une enfant liée toute jeune et avant de savoir rien de la vie à une meurtrière, à une imbrisable chaîne ? Une créature froissée et mutilée dans ses meilleures délicatesses, dans ses plus généreuses susceptibilités. Et elle était bien tout cela, mais aussi une femme du monde, riche, élégante, touchée de frivolité, habituée depuis ses 6 années d'un mauvais ménage à l'étourdissement des sorties continuelles, dîners, visites, spectacles, stériles plaisirs qui deviennent des besoins quand ils permettent de fuir un intérieur détesté. Enfin, c'était, pour avouer la vérité entière, une de ces coquettes naïvement vaniteuses qui veulent briller parce qu'elles veulent plaire, et que cet innocent désir entraîne trop souvent, dans une société un peu libre, à ces riens de familiarité si aisés à calomnier. Il semblait qu'avec l'invasion d'un sentiment nouveau, ces petits défauts dussent disparaître, et il en eût été ainsi sous l'influence d'un amant plus logique et plus simple que Francis. Ils s'exagérèrent au contraire à cause de ce qu'il y avait peut-être de meilleur dans son caractère. Il n'était pas fait, malgré la corruption sentimentale où sa rêverie s'était trop complue, pour être l'amant de la femme d'un autre. Il avait été très chrétien dans sa première jeunesse, et par un contraste étrange, mais assez fréquent, tout en ne rêvant qu'à l'amour depuis des années, et en ne le concevant guère que sous ses formes défendues, il avait gardé au fond de lui une espèce d'appréhension des choses de la chair, un intime besoin d'harmonie entre sa conscience et ses passions. Cette singularité est commune à la plupart des hommes qui furent vraiment pieux. Ils restent toujours prêts à souffrir de la faute que la femme la plus aimée commet, même en leur faveur. Les compromis d'honnêteté que l'adultère suppose leur sont intolérables, et ils ne se prêtent qu'avec une secrète révolte aux combinaisons commodes qui font du ménage à trois la solution la plus confortable du problème amoureux et conjugal. Francis y mêla tout de suite un peu de cette folle jalousie de l'amant pour le mari, sentiment auquel il avait trop pensé par avance pour s'en épargner la torture. S'il consentit donc à venir en visite chez Madame Raffray, il lui fut impossible d'accepter une intimité quelconque avec Albéric Raffray. Il s'arrangea pour ne presque jamais rencontrer cet homme qu'il trompait en le méprisant, mais qu'il trompait tout de même, et d'une manière irréparable. Il en résulta que leur liaison fut dominée par une anomalie que Nérac jugea très naturelle et qui en marquait la condamnation certaine. Cet amour demeura pour Pauline, qui estima davantage son amant de ses délicats scrupules, quelque chose d'à côté, si l'on peut dire. Ce lui fut une oasis de tendresse, où elle entrait comme dans un rêve, d'où elle sortait pour retomber dans une réalité d'autant plus insupportable que le rêve avait été plus doux et plus beau. Il lui arrivait alors ce qui arrive à toutes les femmes dans cette situation, et c'est bien aussi pourquoi la plupart des amants ont l'instinct de préférer la cruelle familiarité du foyer qu'ils déshonorent à cette périlleuse dualité d'habitude chez leur maîtresse. Au retour de ses rendez-vous avec Nérac, Madame Raffray devait retrouver et retrouver sa maison avec horreur. Le visage et la vulgarité d'âme de son mari avec une pire rancune et encore frémissante des baisers de celui qu'elle aimait, ce devait lui être, et ce lui fut aussitôt, un besoin plus irrésistible qu'auparavant de fuir cette maison, de fuir cet homme, et de se plonger dans ce tourbillon du monde qui ne touchait à rien de son cher roman. Elle le croyait, du moins l'imprudente. Il n'y avait cependant pas plus de 4 semaines qu'elle s'était donnée à Francis, et déjà, ce dernier souffrait de cette complication forcée d'existence que sa maîtresse acceptait sans effort, où elle se complaisait même. Car si elle était amoureuse, elle était jeune aussi, et le bonheur de son amour, en exaltant toutes les forces de son être, avait eu pour premier résultat d'aviver en elle la soif, si naturelle à 25 ans, de mouvement et de plaisir. Il y a deux manières également vraies pour une femme de porter dans le monde un cher et coupable secret, en être accablée et souffrir de tout ce qui n'est pas lui, en être enivrée et se plaire à tout à cause de la musique intérieure dont on est enchanté. Quoique les hommes se refusent le plus souvent à croire sincère cette seconde sorte d'amour, elle existe, et c'était, pour le malheur de Francis, celle de Pauline. Elle lui était donc venue à un de leurs rendez-vous, un peu migraineuse d'un bal où elle était restée assez tard la veille. « Pourquoi n'es-tu pas rentrée plus tôt ?» lui dit-il entre deux baisers, sur un ton d'amical reproche. « Que veux-tu ? » répondit-elle. « Je me suis laissée entraîner. Et puis, » ajouta-t-elle en flattant de ses doigts les cheveux du jeune homme, « je savais que je te verrais aujourd'hui, et je ne pouvais pas supporter l'attente. Elle me donnait la fièvre, et j'ai dansé, dansé. Tu m'aurais aimée, j'étais si jolie. Je sentais que l'on me trouvait si jolie. » « Mais, » reprit-il, en déguisant une émotion pénible sous un demi-sourire et avec un air de plaisanterie, « tu n'as pas l'idée que je pourrais être jaloux ?» Il n'acheva pas. Il venait de l'avoir en pensée, les épaules nues, ses épaules dont, à cette minute même, car ils étaient dans les bras l'un de l'autre, il respirait le parfum intime dont il caressait la beauté. Et dans le même éclair de vision, il avait aperçu des regards, des souffles, des désirs d'homme autour de cette gorge idolâtrée. « Jaloux, et de quoi ? » répondit-elle. Elle avait pour poser cette question des yeux si tendrement effarouchés, une surprise si évidemment sincère, qu'il la serra contre lui presque avec délire, comme pour étouffer dans cette étreinte le funeste démon qu'il venait de sentir passer entre la pauvre femme et son cœur. Quand elle fut partie ce jour-là, il demeura longtemps le visage enfoncé dans l'oreiller, qui gardait encore la forme imprimée de cette chère tête, l'arôme de ses longs et souples cheveux. Il se sentait en proie à une mortelle tristesse. Le démon avait déjà reparu à la minute même de ce départ. N'avait-elle pas regardé l'heure à un moment donné, et ne s'était-elle pas arrachée d'auprès de lui en disant « Je m'oublie, et je dois être prête si tôt aujourd'hui, nous dînons à 7 heures pour aller au théâtre tout de suite après. » Qu'ils étaient innocents, ces quelques mots. Pourtant, Francis n'oubliait pas comme il l'avait laissé, par cette fin d'après-midi, et dans le crépuscule, sur une impression pénible. Vainement s'était-il avoué cette innocence et que lui-même avait désiré, exigé qu'elle ne changeât rien aux habitudes de sa vie mondaine afin de ne pas éveiller la curiosité et le soupçon. Vainement s'était-il démontré combien Pauline avait été véritable et simple avec lui, combien peu coquette. Vainement avait-il relu les lettres où Julie lui parlait de son amie, se contraignant de songer à leur commune larme au chevet de leur douce morte. Il avait douté du cœur de sa maîtresse, et si le doute sur un cœur de femme est toujours fatal à l'avenir d'un sentiment, il l'est davantage quand il s'applique à quelqu'un avec qui l'on ne passe que des heures éparses, et venant de quelqu'un qui s'est noirci à l'avance le cœur par des rêveries et par des lectures désenchantantes. Et puis, Francis ne s'en rendait pas compte, comme tous ceux en qui l'imagination a comme émoussé la fleur de la sensibilité, peut-être avait-il besoin de souffrir pour sentir. Affreuse disposition morale qui conduit ceux qu'elle possède à exaspérer en eux les moindres blessures. Il lui avait semblé qu'il aimait sa maîtresse plus qu'elle ne l'aimait. Sans s'être formulé cette première défiance avec cette netteté, il s'était demandé si elle éprouvait pour lui une passion aussi profonde qu'elle le disait. Il avait souffert qu'elle ne fût pas à lui davantage encore, et tout en comprenant que de prendre un ombrage pour de pareilles misères était insensé, il s'était senti absurdement, injustement, enfantinement jaloux en effet, jaloux à vide, et sans raison distincte, de ce monde avec lequel il la partageait. Que la route est rapide d'une défiance de cet ordre à d'autres plus précises, et qu'il faut peu de temps pour transformer dans un cœur inquiet la vague souffrance d'un mécontentement sans objet en une douleur positive, la peur d'une déception en une sécheresse, cette sécheresse elle-même en un injurieux soupçon. Francis se rappelait si bien comme il avait lutté contre son propre orgueil pour ne pas se livrer, dans les semaines suivantes, à une tentation continue, celle d'une déshonorante enquête sur les personnes qui formaient la société de Pauline. Puis il y avait cédé, lui posant tantôt une question, tantôt une autre. Où avait-elle dîné et avec qui? Quelle visite avait-elle faite et qui avait-elle rencontré? Aujourd'hui qu'il n'était plus brûlé de cette honteuse fièvre, il rougissait encore de cette inquisition douloureuse et timide, par laquelle il avait peu à peu envenimé une plaie d'abord si légère, jusqu'à l'instant où l'inévitable conflit avait éclaté entre eux. Quoique cette scène n'eût pas duré plus de quelques instants, avec quelle netteté il se la rappelait. Comme un tournant de route change soudain tout le paysage, il se rendait compte que tout leur amour avait changé au premier nom propre prononcé entre lui et Pauline, qui avait fixé, comme cristallisé, les éléments flottants de sa défiance. C'était de nouveau un de leurs rendez-vous, et au coin de sa cheminée, dans la garçonnière de hasard qu'il avait à demi installée après la mort de sa sœur. Il ne se doutait guère qu'il n'achèverait jamais de la meubler, et qu'il la quitterait si vite pour n'y plus retrouver le spectre de Pariseur. Ils avaient été, ce jour-là, particulièrement heureux. Pauline était gaie et rieuse, avec une enfantine malice dans ses yeux clairs, et voici que d'elle-même elle se mit à détailler sa soirée de la veille. Elle s'était trouvée à table chez une de ses amies à côté d'un certain baron Armand de Kern, qui cherchait sans doute à se rapprocher d'elle, car il se faisait inviter depuis quelque temps un peu dans tous les endroits où elle allait. « Je crois, dit-elle, qu'il aurait bien l'idée de me faire la cour. Il n'ose pas. » Et que cela m'amuse de le voir tourner autour de compliments qu'il ne sait pas finir. Il a de l'esprit, et il ne devine pas que je suis gardé par mon cher bonheur. « J'espère, répondit Francis, que vous n'allez plus le recevoir. »« Moi ? » fit-elle. « Et pourquoi cela ? » ?»« Pour avoir l'air d'en avoir peur et le rendre tout à fait amoureux ? » ?»« Tu peux en croire mon tact de femme. Dans ces sortes de choses, le vrai moyen pour nous est de « take no notice ». Comme disent les Anglais. Puis, comme il se taisait, elle le regarda avec des yeux tristes. Cette fois, et ce fut d'une voix un peu altérée qu'elle ajouta « Mon ami, est-ce que tu n'as pas confiance en moi ?» Et comme il continua à se taire, elle reprit avec un accent qu'il ne lui connaissait pas « Je t'en conjure, mon Francis, ne m'inflige jamais cet affront. J'ai commis une si grande faute en me donnant à toi. Ah, ne me fais jamais penser que tu ne m'estimes pas à cause de cela. » Je souffrirai tant que j'en deviendrai mauvaise. Notre bonheur est à ce prix, que tu saches bien comme les choses sont et que je t'aime pour toujours et uniquement. Si tu en doutais, vois-tu, je serais désespérée, parce que je ne pourrais rien te prouver, séparés comme nous sommes. Si je te demandais pourtant de me sacrifier quelqu'un, avait-il insisté. Te sacrifier quelqu'un, mais je ne pourrais pas, avait-elle répondu en se forçant à sourire. « Il faudrait que je tinsse à qui que ce fût en dehors de toi, et ce n'est pas possible. »« Tu me comprends parfaitement, » avait-il repris, froissé malgré lui par cette manière d'éluder sa question. Ses souplesses féminines, si voisines de la ruse, irritent tant l'homme qu'elles ne charment pas. Et il avait continué. « Je veux dire, si je te demandais de fermer ta porte à quelqu'un, à ce monsieur de Kern, par exemple. »« Naturellement, j'obéirais si je pouvais. » avait-elle repris en haussant les épaules. « Mais tu ne me le demanderas pas. Ce serait tant m'insulter, tant m'humilier. » Devant cette simplicité de défense, Francis n'avait pas prolongé ce petit combat. Puis il avait, comme tous les jaloux, discuté avec lui-même, indéfiniment, les moindres mots, les moindres intonations de voix, toutes les nuances du visage de sa maîtresse, tandis qu'elle se dérobait. Car elle s'était dérobée. Il ne lui faisait pas le crédit de se mettre à sa place et de se demander ce qu'elle pensait de lui, comment elle comprenait son caractère à lui, ce qu'elle en savait, et par conséquent, quel retentissement de semblables paroles éveillait en elle. Il ne voyait qu'une chose, pourquoi ne lui avait-elle pas répondu, tout uniment, qu'il ordonna et qu'elle obéirait? Quand on commence de souffrir, on a de ces despotismes presque monstrueux auxquels les femmes qui aiment se soumettent, quand elles n'ont pas 26 ans. Il faut avoir vécu pour comprendre qu'il n'y a pas de léger malentendu en amour, et il faut avoir vécu ainsi pour se rendre compte du degré où s'exalte, chez certains hommes, la folie du soupçon, la fièvre si douloureuse de la défiance. Hélas, tant qu'il y aura d'imprudentes Desdémones pour sourire, sans penser à mal, à Cassio qui les salue, il y aura des Othello pour détruire leur commun bonheur à cause de cet innocent sourire, et il n'est pas besoin pour cela d'un traître à côté de nous qui nous injecte le venin de la calomnie. Nous sommes si vite nos propres Iagos et plus ingénieux que l'autre à nous torturer, à nous lier sur la roue du supplice. Francis appartenait à cette race malheureuse d'amants qui ont sans cesse besoin d'évidence. L'ironie du sort veut qu'ils soient aussi les plus trompés, car s'ils rencontrent une coquine, elle excelle à leur donner des preuves matérielles toujours faciles à combiner, et s'ils se heurtent à une femme fière, ils la blessent si profondément qu'elle en devient mauvaise, comme Pauline l'avait dit dans l'ingénuité de son cœur, sans vraiment savoir quelle funeste prophétie elle énonçait. Le jeune homme était donc sous l'impression non dissipée de ce malaise intime lorsqu'il alla, 3 jours après ce pénible entretien, rendre visite à Madame Raffray chez elle. Ses visites étaient devenues plus rares depuis qu'elle était sa maîtresse, et il les faisait d'ordinaire après le déjeuner, à un moment où il savait que la porte de la jeune femme était ouverte. Il était par conséquent très naturel qu'il ne la rencontrât pas seule. Il n'était pas moins naturel, après ce qu'elle lui avait dit l'autre jour, que la même idée de visite fût venue au baron de Kern. Ce fut à ce dernier que se heurta par hasard Francis. Un peu d'embarras dans l'attitude et dans le regard de Pauline, un peu de familiarité dans la conversation de la part d'Armand, et des allusions à de menus événements de leur société que Nérac ignorait, il n'en fallut pas davantage pour qu'une fois demeurés en tête à tête, les deux amants se trouvassent vis-à-vis l'un de l'autre dans un silence gros de tempête. Pauline essaya de le rompre la première en se levant et s'approchant de Francis pour lui prendre la main. « Que vous êtes gentil d'être venu, » dit-elle. « Je ne m'attendais pas à cette bonne surprise. »« Je m'en suis bien aperçu, » répondit-il durement en se dérobant à cette caresse amicale. « Comment me parles-tu ainsi ? » dit-elle avec tristesse. « Je comprends bien. C'est parce que tu as trouvé chez moi monsieur de Kern. » Mais si j'avais consigné ma porte, on ne t'aurait pas reçu non plus, et nous n'aurions pas ces quelques minutes à nous. Ne me les gâte pas, ne nous les gâte pas. Pourquoi aviez-vous l'air si troublé alors ? Reprit-il. Ah, dit-elle, j'ai deviné tout de suite que tu serais mécontent et injuste, si injuste, ajouta-t-elle. Elle fronça ses beaux sourcils bruns. Ses yeux d'un gris si clair pâlirent encore et lancèrent un regard d'irritation. Un peu de sang colora ses joues et elle continua, dure à son tour et avec une visible émotion. « Je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas me faire cet outrage, Francis. Je vous aime, je n'ai jamais aimé que vous. Si je ne vous étais pas fidèle, je serais la dernière des créatures. Je veux, entendez-vous, je veux que vous m'estimiez, que vous ayez confiance en moi. » « Ne vous arrangez pas alors pour me rendre cette confiance impossible, » s'était-il écrié. « Moi ? Avait-elle repris, moi ? C'est moi qui te rends la confiance impossible ? Voyons, tu ne crois pas que je me laisse faire la cour par monsieur de Kern ? Si, avait-il répondu brutalement, je le crois. Tu le crois ? Avait-elle répété, comme écrasée de stupeur. Tu le crois ? Il n'y a pas 2 mois que nous nous aimons ? Eh bien, avait-elle continué avec fureur, croyez ce que vous voudrez. Ah, c'est trop honteux ! L'arrivée d'un autre visiteur avait empêché cette explication de se prolonger. Dans la maladive disposition où il se trouvait, Francis avait ressenti une impression plus amère encore à voir sa maîtresse jouer aussitôt son rôle de femme du monde, sourire au nouveau venu, plaisanter, causer avec une affectation où elle soulageait sa colère nerveuse. Il n'y avait, lui, discerné qu'un pouvoir de comédie qui lui avait fait horreur. Ils se réconcilièrent cependant très vite, car ils s'aimaient. Mais la défiance était entrée trop avant dans le cœur du jeune homme, et elle continua de grandir avec l'effrayante rapidité que met cette plante maudite à nous envahir. Ce qu'il y a de terrible dans l'adultère, et son châtiment immédiat, c'est que l'amant ne saurait lutter contre la preuve constante d'immoralité que lui apporte sa maîtresse, par ce simple fait qu'elle est sa maîtresse. Toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation le sentent bien. La plupart s'y résignent d'autant plus aisément que les misères de l'égoïsme masculin leur donnent vite beau jeu pour répondre à ce mépris par un mépris semblable. D'ailleurs, ce qu'elles demandent aux intrigues répétées où elles se complaisent, n'est-ce pas l'émotion ? C'en est une encore et palpitante, d'être brutalisée de reproches menaçants par celui que le désir jettera tout à l'heure dans vos bras. Mais d'autres ont l'horreur de cette tyrannie et se cabrent aussitôt contre elle avec fureur, soit qu'elles en souffrent sincèrement comme d'une insulte, soit qu'elles aperçoivent dans cette révolte la garantie dernière de leur liberté. Pauline n'avait pas voulu céder au premier assaut de jalousie que lui avait livré Francis. Elle ne céda pas davantage au second. Quand ils s'étaient réconciliés, il lui avait juré de ne plus lui reparler d'Armand de Kern. Il lui avait prodigué toutes les promesses de confiance, affolé de la retrouver si douce, si jolie, si frémissante de volupté sur son cœur. Puis il ne sut pas tenir son serment. Il lui reparla de son rival, ou de celui qu'il croyait tel, avec insinuation et sans insister, et il lui en reparla encore, mais brutalement. Et une seconde fois, elle lui tint tête, et à partir de ce moment, les scènes entre eux commencèrent de succéder aux scènes, lui s'exaspérant aux plus insultantes hypothèses, aux plus despotiques exigences, et ne comprenant pas l'obstination indignée que l'opposait au déchaînement de sa frénésie. Quand elle lui a enfin cédé, après la plus atroce de ses discussions, il était trop tard. Il s'était prononcé entre eux de ces phrases qui déshonorent à jamais une liaison. L'amant s'y était trop montré dans la férocité de sa jalousie, la maîtresse s'y était laissée trop meurtrir, trop de rancune a été déposée dans ces deux pauvres cœurs. Cette exécution absolue de son rival, arrachée après ce très douloureux effort, ne fut même pas suivie pour le jeune homme par quelques semaines d'un entier repos. Que Madame Raffray eût fermé sa porte à De Kern, c'était bien une preuve. Même si elle avait été coquette avec Armand, elle préférait Francis. Mais ces preuves-là emportent toujours avec elle cette amertume qu'elles n'abolissent pas le doute sur le passé, sur la période où nous étions jaloux, sans que l'on nous cédât encore. Nous n'avons pas assisté à l'entretien à la suite duquel notre maîtresse a consommé une rupture que nous constatons sans être certains que nous en connaissons les secrets détails. Elle nous dit bien les paroles qu'elle a prononcées. Pauline, par exemple, prétendait n'avoir eu qu'à s'adresser à la délicatesse de M. de Kern en arguant de la jalousie de son mari. Mais comment savoir si elle ne taisait rien? Même la possibilité d'une telle conversation ne supposait-elle pas un mystère entre elle et Armand? Francis trouva ainsi, comme toutes les victimes de la misérable manie qui le possédait, un principe nouveau de douleur dans le triomphe même de sa tyrannique méfiance. Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir si Pauline n'avait pas été la maîtresse de cet homme qu'il avait tant soupçonné et qu'elle lui avait sacrifié. Mais dans quelles conditions? Quand on en est à cette halte dans le chemin de croix du soupçon, le calvaire devient vraiment trop dur à gravir. Qu'il vaudrait mieux se fuir l'un l'autre et souffrir du moins séparés. C'est payer trop cher, les criminels bonheurs de l'amour dans la faute, que de les acheter au prix d'une torturante incertitude. Et comment en sortir? On veut se persuader alors que, si l'on suivait sa maîtresse, jour par jour, presque heure par heure, si on la regardait vivre et sentir, on arriverait à un jugement sur elle, motivé, lucide, définitif, comme celui d'un indifférent. Il en fait ce que fit Nérac. Malgré son deuil encore trop récent, il retourna dans le monde pour y rencontrer Pauline. C'était à peu près la plus malheureuse imprudence qu'il put commettre dans la crise de sensibilité suraiguë et morbide qu'il traversait. Aussi les plus cruels souvenirs de cette cruelle liaison se rapportaient-ils à cette période. Il la voyait dans un salon, parée, gaie, souriante, avec cette espèce d'atmosphère d'amabilité autour d'elle que dégage une femme jeune, jolie, qui plaît et qui sent qu'elle plaît, qui a des peines à étourdir et les étourdit. Ce lui était un supplice que ce spectacle, et un autre que de la trouver au contraire triste et absorbée. Dans le premier cas, il se sentait en proie à une sorte de rage irraisonnée et indomptable qui avait toujours pour effet de développer chez Madame Raffray comme un délire de coquetterie sombre et presque désespérée. Dans le second, des remords trop âcres noyaient son cœur d'amant tyrannique et qui voudraient pourtant le bonheur de ce qu'il martyrise. L'une et l'autre impression exaspéraient en lui l'inquiétude. L'une et l'autre le portaient à enivrer son misérable amour avec ce vin d'essence dont les dernières et funestes gouttes distillent en nous un si honteux appétit de férocité. Lui, l'amant romanesque, compliqué, qui avait passé sa première jeunesse à rêver de subtiles émotions, il effrayait sa pauvre amie maintenant par l'âpreté de sa fougue sensuelle. à chacun de leurs rendez-vous, c'était entre eux des étreintes sans parole, des baisers violents et sans douceur, la palpitation éperdue de deux êtres qui cherchent l'oubli, et quel oubli ! Celui d'eux-mêmes, celui de l'amour dont ils souffrent en s'en grisant. Et ils oubliaient, en effet, mais pour se réveiller de ces folies avec cette amertume irritable qui est la rançon fatale de nos dégradations, lui plus soupçonneux, elle plus révoltée. À ces minutes-là, les moindres discussions s'exaltent en querelles, la bravade suit l'outrage et le provoque. Ce sont des bouffées outrageantes de soupçons à propos de tout. Les plus innocentes gaietés deviennent des crimes. Avoir dansé deux fois avec le même danseur, avoir causé trop longtemps en aparté avec celui-ci, avoir eu celui-là à déjeuner, être sorti plusieurs fois avec une amie, c'est l'avoir pour complice de quelque intrigue. Ne plus voir tel autre, c'est avoir eu quelque secrète rivalité avec elle. Depuis des siècles et des siècles, la verve des auteurs comiques s'exerce sur les mesquineries infinies des disputes de ce genre. Elle s'exercera des siècles encore, sans guérir la rage des jaloux et sans y accoutumer la fierté révoltée des femmes qui leur tiennent tête. Et cependant, les prunelles brillent, les lèvres tremblent, la voix se fait mordante, et après s'être donné l'un à l'autre avec la fougue de deux amants à qui les heures sont comptées, on se sépare sur des cris de rupture, poussés avec toute la colère de la vengeance. Oui, que de fois s'était-il quitté ainsi, sans même se toucher la main. « Croyez ce que vous voudrez !» lui répétait-elle avec les mêmes mots, le même tragique entêtement, le même regard haineux qu'à la première insulte. « Je ne veux plus rien savoir de vous. Vous ne me traiteriez pas autrement si j'étais une fille. Et moi, j'en ai assez de vos mensonges, car vous me mentez, vous me mentez, vous me mentez toujours !» Elle le regardait sans relever cette nouvelle insulte. Elle répétait « Oui, croyez ce que vous voudrez !» Et elle s'en allait, pour le rappeler ou être rappelée presque aussitôt. Ses retours, déshonorants pour elle et pour lui, étaient pourtant les seuls touchants souvenirs qu'il garda de cette affreuse époque. Il se revoyait ainsi un soir, à la fin d'une belle journée de janvier passée bien tristement, et son arrivée à elle, qui n'ayant pu y tenir, s'était échappée de sa maison, amaigrie, frissonnante, si pâle, pour implorer une réconciliation, et elle gémissait. « Notre amour est donc maudit. Je te promets de te céder en tout, mais crois en moi, je t'en supplie, crois en moi. » De pareilles larmes déçoivent-elles, et de pareils cris, et des baisers comme celui qu'elle lui avait donné en tombant sur son cœur, et ses sanglots et cette visible maladie. Par moments, et lorsqu'il n'était pas sous l'influence de cette cruelle manie qui lui étreignait le cerveau d'un cercle d'images affolantes, et qui lui faisait voir sa maîtresse le trahissant avec l'un ou avec l'autre, le dépérissement de ce pauvre corps touchait Francis aux larmes lui aussi. Il n'y avait pas un an que durait le drame de ces misérables amours, et Pauline lui semblait quelquefois une autre femme, tant ses yeux s'étaient creusés, ses joues amincies, tant sa pâleur s'était encore décolorée, tant surtout la facile et enfantine humeur qu'elle avait jadis, même dans la tristesse, avait cédé la place à je ne sais quoi de sombre, de violent, de presque tragique. Mais ce n'était qu'un éclair, et l'amant tourmenté se disait qu'il avait mal vu sa maîtresse autrefois, qu'elle lui jouait la comédie alors, et qu'elle était maintenant la vraie Pauline, avec un masque de femme consumé par quoi? Et il se répondait que c'était sans doute le remords de ses perfidies, la lutte d'une âme en proie à ses sens, le vice peut-être. Dans les égarements de sa jalousie, il allait jusqu'à lui donner des 10 et des 15 amants, à penser d'elle véritablement comme d'une fille, et chose affreuse, à l'aimer tout de même, à la désirer davantage, avec une âcreté de passion qui confinait à la douleur. Oui, il l'accusait de déportement monstrueux. Et cependant, s'il avait eu des torts positifs vis-à-vis de lui, ça avait été avec le seul de Kern, et encore, n'avait-il pas tenu les preuves de cette infamie? Hélas, a-t-on jamais de ces preuves? Et puis, il ne pouvait pas douter d'une autre intrigue, et qui, celle-là, avait abouti à l'irréparable rupture. Vers la fin du mois de février de cette fatale année 1877, un homme était revenu à Paris, après un long voyage en Orient, dont le nom avait été souvent prononcé entre Pauline et Francis durant cette absence. Ce personnage, mort depuis et connu de quelques curieux de lettres par des fragments posthumes d'un étrange journal intime, s'appelait François Vernante. C'était un cousin éloigné de Raffray. La jeune femme n'en parlait jamais qu'avec une voix émue, et comme du seul ami qu'elle eût rencontré à la plus détestable période de son mariage. Pourquoi Nérac s'était-il formé de ce consolateur de sa maîtresse une image morose? Et pourquoi demeura-t-il fort étonné lorsque, présenté à Vernante par Madame Raffray, il se trouva devant un garçon de moins de 40 ans, d'une physionomie et d'une tournure bien jeune pour ce rôle de confident désintéressé? Les relations sont toujours difficiles entre l'amant d'une femme et un ami très intime de cette femme, même lorsque l'amant se considère comme bien assuré que cet ami n'a jamais été qu'un ami. Lorsque l'amant est à l'égard de sa maîtresse dans une crise de doute sans cesse renaissante, comment tolérerait-il, sans en souffrir jusqu'à la folie, une de ces relations où le degré de l'intimité reste toujours mystérieux? Il était donc inévitable que Francis Nérac devint jaloux de Vernante. Mais comme s'il pressentait que cette jalousie la marquerait la fin de son amour, il ne s'y était pas abandonné tout de suite. Sa maîtresse avait d'ailleurs pris soin de devancer cette crise nouvelle en lui parlant, la veille du retour de son ancien ami, de manière à ne laisser entre eux aucun point obscur. « Il est très intime dans notre maison, » avait-elle dit. « Il m'est bien nécessaire. C'est le seul de mes amis qui soit aussi l'ami de mon mari. Je vous en préviens, » avait-elle ajouté avec un sourire triste, « pour que vous m'épargniez et que vous vous épargniez des chagrins à son sujet. À quoi bon? Vous ne croyez pas en moi. Pourquoi y croiriez-vous dans ces circonstances? J'en mourrais que vous n'y croiriez pas. » Francis la revoyait, lui parlant ainsi, il se revoyait se taisant. Lorsqu'il tombe entre deux amants de ces phrases que tous deux sentent trop vraies, c'est comme une lumière qui se répand à la fois sur leur passé et sur leur avenir, et ils en demeurent comme épouvantés. Tous deux savent bien que de prévoir les misères vers lesquelles ils sont entraînés ne les empêchera pas d'y être entraînés, et ils forment, quand même et sincèrement, des résolutions qu'ils tiendraient si les maladies du cœur ne comportaient pas des lois logiques contre lesquelles les plus fermes raisonnements demeurent inefficaces. 2 semaines s'écoulèrent ainsi, et sans que Nérac parût prendre ombrage de la visible familiarité qui unissait le nouveau venu, ou mieux le revenant, à Madame Raffray. Sur 3 visites pourtant qu'il avait faites à cette dernière durant cette quinzaine, 2 fois il avait rencontré Vernante. Sur 2 fois qu'il avait dîné en ville dans les mêmes maisons que Pauline, les 2 fois Vernante était un des convives. Il avait eu 2 rendez-vous avec Pauline, et des questions qu'il lui avait posées, il résultait tantôt qu'elle avait eu Vernante à déjeuner chez elle la veille, tantôt qu'elle allait la voir le lendemain, qu'elle était allée ou qu'elle irait au théâtre avec lui. À chacun de ces menus faits, sans porter isolément, mais bien significatifs dans leur ensemble, Francis avait senti grandir son antipathie. Elle était d'autant plus forte qu'il y avait entre Vernante et lui une certaine ressemblance de nature, une communauté de tempérament. Ces sortes d'analogies constituent le plus violent principe de rivalité. Il n'était pas jusqu'à la demi-identité de leur prénom qui ne fut pour Francis un aliment d'irritation passionnée. Bref, l'accès de jalousie avait éclaté malgré les résolutions prises et les promesses données, d'autant plus violent qu'il avait été plus reculé, et il avait abouti à cette même implacable alternative posée à Pauline. « Ou lui, ou moi. Ou vous ne recevrez plus, Monsieur Vernante, ou je ne mettrai plus les pieds chez vous. » Francis était heurté alors à une résistance de sa maîtresse, si invinciblement exprimée qu'une première rupture avait suivi. Il était demeuré 10 jours sans la voir, sans que Pauline fît l'ombre d'un geste pour se rapprocher de lui. Il avait cédé le premier, quelle misère! Et il était revenu pour trouver une femme ulcérée et qui lui avait dit « C'est la dernière fois que je vous pardonne. » Qui avait osé le lui dire. Un pardon d'elle à lui! Son sang bouillonnait encore d'indignation lorsqu'il se répétait cette parole et que tout de suite il songeait au fait qui avait déterminé enfin son énergie. Le premier était d'un ordre très simple, mais il en est d'un cœur souffrant comme d'un corps malade où les plus vulgaires accidents provoquent des complications mortelles. Comme il se trouvait en visite chez une certaine Madame de Sermoise, cette personne, aussi renommée pour sa méchanceté que pour le ridicule de ses prétentions littéraires, se prit à parler assez longuement de Vernante, dont le nom venait d'être prononcé, et après en avoir tracé un portrait fort malveillant, elle conclut « Enfin, le voilà retombé dans les fers de cette petite Madame Raffray. » C'était bien la peine de la fuir si loin pour revenir comme il était parti. Mais c'est la vieille histoire des amoureux. On se prend, on se quitte, on se reprend, on se requitte. Et le mari ne voit jamais rien. Quelle comédie !» Des phrases pareilles, il s'en prononce par centaines à Paris et à chaque heure du jour. Depuis le matin où l'on se promène au bois, en médisant, jusqu'à l'heure où l'on sort de l'opéra. Et ceux qui les entendent n'y attachent pas plus d'importance que ceux qui les débitent. Mais quand vous soupçonnez votre maîtresse d'une perfidie, un pareil propos tombe sur votre soupçon, comme du vitriol sur une plaie. Vous agonisez de ne pas savoir la vérité, et voici que d'autres ont l'air de la savoir, eux, cette vérité. D'autres ? Mais tous, oui, tous, depuis cette femme indifférente qui vient de vous percer le cœur, jusqu'au clubman qui l'écoute sans étonnement. Vous n'y résistez pas alors. Il faut vous interroger quelqu'un au risque de déshonorer votre sentiment à vos propres yeux pour une telle enquête. Vous parlez de votre rival à celui-ci, à celui-là, d'un air détaché, quand de le nommer fait saigner en vous les places les plus envenimées du cœur. L'un vous répond des phrases qui n'ont aucun rapport avec votre passion. L'autre vous donne des détails que vous connaissez déjà. Et vous ne vous arrêtez qu'après être tombé sur un mot qui achève de vous désespérer. C'est ainsi qu'après avoir insinué de son mieux dans 10 occasions sa demande, « C'est un bien joli homme que Vernante, avec qui est-il donc ?» Francis finit par se faire répondre par un viveur quelconque du cercle de la rue Royale. « Vernante, il travaille dans les femmes mariées. Je crois qu'il avait la petite Raffray à l'époque, on l'a beaucoup dit. » C'était là pour Francis le second effet qui avait contribué à sa révolte définitive. Le troisième était d'une autre nature et moins imaginaire. Une semaine environ, après s'être de nouveau convaincu que la cruauté du monde n'avait pas plus épargné l'intimité de Vernante et de Pauline qu'elle n'épargne les autres relations de cet ordre, il avait un rendez-vous avec la jeune femme. Le matin de ce jour-là, qui était un mardi, ah, il n'avait rien oublié, ni la date du jour, ni le ciel brumeux et brouillé qu'il faisait, ni l'heure, ni ses sensations amères. Il avait reçu un billet d'elle, où elle se dégageait sous le prétexte d'une migraine. Elle allait, disait ce petit mot, se remettre au lit pour essayer de vaincre le mal, et elle lui demandait de venir la voir le lendemain. Oui, il se souvenait. Il était demeuré jusqu'à 5 heures à se demander si cette excuse était vraie ou fausse. Enfin, il était sorti. Il s'était promené un peu au hasard, et une invincible curiosité l'avait conduit, sans presque qu'il s'en rendît compte, à travers le parc Monceau, vers la maison de la rue Murillo où habitait son rival. La pensée que sa maîtresse avait peut-être souvent passé ce seuil, et comment, lui causait un chagrin affreux. Par quelle fatalité s'était-il attardé à regarder cette porte, comme s'il eût pressenti qu'il allait enfin tenir là cette certitude souhaitée depuis des semaines. C'était tout simple que, ne croyant qu'à demi au prétexte donné par Pauline, il la soupçonna d'avoir déplacé le rendez-vous pour aller à un autre. Et cependant, à une certaine minute, ce qu'il vit de cet angle de trottoir où il s'immobilisait dans un honteux et puéril espionnage, pensa le faire mourir de douleur. Un fiacre au store à demi baissé, de quoi cacher le visage sans faire trop remarquer la voiture, venait de s'arrêter devant la maison et d'entrer dans l'allée. Nérac se précipita et il arriva juste à temps pour voir une femme voilée d'un double voile qui disparaissait par la porte du rez-de-chaussée. Quoiqu'il lui eût été impossible de distinguer les traits de cette femme, il avait pu voir qu'elle était mince comme Pauline, qu'elle avait la taille de Pauline. Enfin, détail insignifiant mais qui devait, pour Francis, servir de preuve indiscutable, comme le mouchoir du célèbre drame, elle portait un long manteau de loutre et il crut reconnaître celui de Pauline. Son angoisse fut si forte qu'une fois le fiacre parti, il eut l'audace d'entrer lui aussi sous la voûte et de marcher jusqu'à cette porte du rez-de-chaussée à laquelle il sonna sans qu'on lui répondît. Dieu, que le timbre lui faisait mal à écouter. Il allait sonner encore quand il s'entendit interpeller par le concierge qui, debout sur le pas de sa loge, lui disait, avec le visage impassible d'un complice inférieur grassement payé, « Monsieur Vernante n'est pas chez lui. » Ainsi, c'était bien l'appartement de son rival. Il s'était retrouvé sur le trottoir, en proie à une de ces frénésies de soupçons qui déchaînent chez le civilisé la bête sauvage, toujours grondante au fond des troubles du sexe. Son besoin d'agir, d'en savoir un peu plus, avait été si fort qu'il avait couru à l'hôtel de la rue François Ier qu'habitait Pauline. Que devint-il lorsqu'on lui répondit « Madame va mieux, elle a pu sortir cet après-midi ». atterré de cette évidence qui grandissait devant lui de seconde en seconde, il avait eu la pensée de retourner faire le guet rue Murillo. Puis il s'était dit « À quoi bon ? Mon coup de sonnette leur aura fait peur et elle sera partie aussitôt que j'aurai quitté la rue. Le concierge les aura prévenus. D'ailleurs, que verrai-je ? Un fiacre au rideau baissé qui la reprendra comme elle est venue. » Il décida qu'il valait mieux l'attendre devant la porte de son hôtel. Il verrait du moins quelle toilette elle portait. Encore une demi-heure, comme elle fut longue. Un coupé dévale le long de la rue, qu'il reconnaît pour être le coupé personnel de Madame Raffray. Mais quoi ? C'est l'ABC de l'adultère d'avoir quitté puis repris la voiture officielle à une entrée de magasin ou de passage. Ne faisait-elle pas de même pour aller chez lui ? Le cocher demande la porte, les battants s'ouvrent, la voiture entre, Pauline en descend, elle porte le même manteau. La scène atroce qui avait éclaté entre eux le lendemain, l'implacable audace de dédain qu'elle avait opposée à son accusation, son refus de rien justifier, sa fureur à lui et la dernière indignation qu'il avait égarée jusqu'à lever la main sur elle, jusqu'à la frapper, tout cet horrible et suprême épisode lui faisait battre le cœur encore aujourd'hui, à seulement s'en souvenir. Et il était rentré chez lui si épouvanté de lui-même qu'il s'était dit « il faut partir ». Et sur le champ, en 24 heures, il avait achevé les premiers préparatifs. Il était monté dans un train, comme un malfaiteur s'enfuit, rageusement, aveuglément, sans projet, sans calcul, pour être ailleurs. Il ne s'arrêta qu'à Marseille, où il eut sa dernière lâcheté, car il écrivit de cette ville à Pauline une lettre encore, un ultimatum, qu'il mit une demi-journée à composer, griffonnant des pages de tendresse tour à tour et de malédiction, puis les déchirant, pour n'envoyer enfin qu'une dizaine de phrases dont il ne savait plus rien, sinon qu'il exigeait de son infâme maîtresse cette preuve insensée, un renoncement à tout, une fuite de chez elle, pour venir le rejoindre immédiatement. Terrible et déraisonnable billet qui demeura sans réponse. 8 jours après, le jeune homme était en Égypte. Là, il s'embarquait pour faire le tour du monde. « Cette femme est mon mauvais génie, » se disait-il. « Je dois l'oublier si je veux vivre, et je l'oublierai. » C'est une des idées fausses les plus communément reçues sur l'amour qu'il abolit tout dans un cœur et d'abord l'orgueil. Heureux les amants pour lesquels il en est ainsi, malheureux au contraire ceux chez lesquels cet orgueil subsiste, vivant et impérieux à côté de la passion la plus sincère pourtant, la plus violente. Cette coexistence constitue une des pires maladies qui puissent nous ronger. Le voyage alors, au lieu de nous être un remède, empoisonne seulement cette double blessure. Dans la solitude des soirs, que de larmes nous versons avec la triste vanité de nous dire « elle ne les voit pas ». Dans la lumière des horizons, que d'images s'évoquent, l'une nous représentant la grâce de celle que nous avons quittée, une autre sa caresse la plus douce, un geste qu'elle avait entre nos bras, ses cheveux épars sur son front, la mélancolie tendre de son regard dans les divins moments, et aussitôt, associant à l'idée d'un rival aboré ces souvenirs qui tiennent aux cordes les plus vivantes de notre être, une douleur nous étreint contre laquelle nous n'avons qu'un soulagement. Il est si misérable, celui de nous répéter que nous avons rompu par notre propre volonté. Que ne donnerions-nous pas pour savoir ce que fait celle que nous croyons cependant que nous savons infidèle, et nous nous couperions la main plutôt que de recommencer à lui écrire. Et les jours s'ajoutent aux jours, les semaines aux semaines, les mois aux mois, l'irréparable à l'irréparable, sans que nous connaissions plus jamais ce que c'est que la joie, l'abandon à l'heure qui passe, à la sensation présente et vivante. La tapisserie bariolée des villes et des paysages se déroule devant nous sans guérir notre nostalgie pour un angle de salon intime, parmi les fleurs où se tient notre fantôme. Si nous pouvions n'y voir que lui, et nous allons toujours, multipliant les distances par les distances, rendant plus profond encore les malentendus, ajoutant la rancune à la rancune, sans que ni ce fatal orgueil ait tué notre amour, ni l'amour notre orgueil, pour revenir, comme revint Francis, plus ulcéré qu'à l'instant du départ et plus désarmé. Car il était revenu, après 14 mois de ce vagabondage à la poursuite d'une guérison qu'il n'avait pas trouvée, et aussitôt, une des femmes chez lesquelles il rencontrait autrefois sa maîtresse, cette même Madame de Sermoise qui lui avait percé le cœur dans une lointaine visite, et il y était retourné, comme un homme ruiné au jeu retourne près de la table du baccarat. Lui avait appris d'étranges nouvelles. Madame Raffray était veuve. Elle avait perdu son mari presque subitement, quelques semaines après le départ de Francis. La seule annonce de ce veuvage eût suffi à bouleverser le jeune homme. En continuant ses confidences, son interlocutrice lui apprit qu'au moment de cette mort, Pauline se trouvait enceinte et qu'une fille lui était née. La mère avait failli mourir, elle aussi, puis, à peine rétablie, elle avait quitté Paris, de mauvaises spéculations de feu Raffray l'ayant à demi ruinée. Elle avait vendu son hôtel, ses voitures, ses chevaux, et déclaré sa volonté de vivre d'une manière définitive dans la terre du Jura où elle avait été élevée. Et la cruelle parisienne, sans se douter qu'elle enfonçait un couteau dans Francis à la place la plus sensible, ou bien en savourant la joie de lui faire ce mal, avait ajouté qu'elle ne croyait guère à cette retraite, pour conclure avec un nouveau sourire. « Nous la verrons reparaître un de ces jours, plus coquette que jamais, et devenue Madame Vernante. Il n'en sortait plus les derniers temps, et il passe encore des semaines à Molenbeuz. » Et dire, songeait Francis, avec une affreuse mélancolie au sortir de cet entretien, dire que malgré ce que j'ai vu, j'allais avoir pitié d'elle, lui écrire, sans doute, m'humilier, non. Elle ne m'a jamais aimé. Elle a eu pour moi un caprice de sens et d'imagination. Son amant n'était pas là. Ils avaient rompu ensemble sous un prétexte quelconque, sans doute parce qu'elle l'avait trompé. J'ai fait l'intérim. Il est revenu, elle l'a repris, et elle a eu l'idée de nous garder tous les deux. La malheureuse, si elle m'eût aimé, cet homme qui avait été la cause de notre brouille, lui fait horreur. Et moi parti, elle n'eût pas pu le recevoir. » Et il pensait encore. « Que c'est amer pourtant de la savoir malade, pauvre peut-être. Et je ne peux rien pour elle, libre, et je ne voudrais pas lui donner mon nom. » Cette douleur avait été grande. Elle était finie aujourd'hui. Le jeune homme en avait porté le poids sur son cœur durant des années, sans qu'aucun événement nouveau vînt ni l'accroître ni la soulager. Il n'avait plus rien su de Pauline, sinon qu'elle continuait de vivre loin de Paris et qu'elle n'avait pas épousé son rival, puis que ce rival était mort. À peine s'il entendait parler d'elle de temps à autre. Elle avait laissé tomber toutes ses relations une par une, et le petit clan mondain dont elle avait fait partie l'avait déjà presque oublié, mais non pas Francis, quoiqu'il se fût imposé la règle de ne plus jamais prononcer son nom, de fuir systématiquement leur connaissance commune d'autrefois et de s'esquiver si un détour de causerie faisait allusion à elle. Les sentiments auxquels les roueries de Pauline se trouvaient mêlés avaient été trop intenses. Il en avait trop joui d'abord et trop souffert ensuite. Il y avait surtout trop pensé. Enfin et surtout, même en la condamnant et en l'exécutant, comme il l'avait fait, il n'était pas absolument sorti du doute. C'est une des singularités les plus étranges de certaines jalousies que cette égale impuissance à se fixer dans la certitude de la fidélité et dans celle de la perfidie. Toutes les présomptions accumulées contre sa maîtresse n'apparaissaient pas toujours à Nérac comme emportant la même évidence, et parfois il lui arrivait de plaider la cause de cette femme dont le silence à son endroit lui semblait alors une nouvelle énigme. Si pourtant le monde avait calomnié ses relations avec Vernante, si ce n'était pas elle qui l'avait vu entrer dans le rez-de-chaussée de la rue Murillo, si un simple hasard l'avait forcé à sortir ce jour-là, quoique souffrante. Il avait tôt fait de revenir à ce qu'il avait considéré autrefois comme une preuve suffisante pour tout y sacrifier. Mais malgré lui, durant ces minutes-là, sa rêverie se portait invinciblement et douloureusement sur cette fille que Pauline élevait là-bas, dans la solitude. Son angoisse devenait infinie alors à songer que cette fille pourrait être son enfant, à lui, même après la perfidie de sa mère. Pourrait être. Qu'une pareille idée est cruelle, et que cela fait mal de n'être pas sûr du sang qui coule dans les veines d'une pauvre petite créature dont on se dit « Si pourtant c'était bien mon sang à moi, si j'étais responsable de sa vie. » Et il faut ajouter tout de suite « Je ne le saurais jamais, jamais. » Elle-même n'est pas sûre du père de cet enfant. Quelle source d'intarissable tristesse une trahison de femme ouvre autour d'elle. Qu'il est cruel d'être paralysé par cette idée de mensonge jusque dans ses meilleurs élans. Francis, qui n'avait plus un seul parent rapproché depuis la mort de sa sœur, se fût dévoué à cette petite fille avec délice, s'il eût cru en la mère. Au lieu de cela, il éprouvait une appréhension presque mortelle. une horreur d'agonie à penser que telle ou telle circonstance pouvait le mettre en face de ce mystère vivant qui renouvellerait ses plus douloureuses crises par sa seule présence, et il s'était arrangé pour ne même pas savoir si cet enfant vivait encore. Cette épreuve de se trouver face à face avec elle ou avec la mère lui avait été épargnée, et du moins ce funeste état d'anxiété intérieure avait eu cet avantage de le prémunir contre les entraînements habituels à son âge et à sa fortune. Comme tous ceux qui gardent en eux la brûlure cuisante d'une passion malheureuse, il avait pu se livrer de nouveau à l'étourdissement du libertinage. Il eût été incapable d'une autre liaison sérieuse de monde ou de demi-monde. Aussi la médisance n'avait-elle eu aucun nom à prononcer quand la comtesse de Silly avait quêté ses renseignements. Les tristes plaisirs par lesquels il avait plus ou moins distrait son horrible mélancolie n'avaient pas eu plus d'écho que sa lointaine et trop courte histoire dans la société où il vivait, qu'il traversait plutôt, car tout de suite il avait repris du service et redemandé un poste très lointain, qu'il avait troqué presque aussitôt contre un autre, puis contre un autre, par cette incapacité de rester en place où se reconnaissent les lancinantes secousses de l'idée fixe. En revanche, cette idée fixe elle-même, la lassitude de cette existence déracinée, les rancœurs de la débauche, la sensation trop constante de la solitude morale, tout avait développé en lui l'infini besoin d'un renouveau, en même temps que ses souvenirs lui en ôtaient l'espérance. L'intense chagrin dont il avait si longtemps souffert avait élaboré en lui un autre homme, aussi dégoûté de l'amour criminel que l'autre en avait été curieux et friand, aussi désireux de la paix morale que l'autre avait souhaité les tempêtes troublées du cœur. Savait le secret de son ravissement lorsqu'ayant de nouveau démissionné, d'une manière définitive cette fois, il avait rencontré Henriette et qu'il s'était pris à l'aimer. Après des années de douleur et d'égarement, il avait aperçu à l'horizon de sa seconde jeunesse cette terre promise, cette félicité inattendue, l'amour avec un être sans passé et dans lequel il crut absolument, lui qui avait tant souffert du doute et de la défiance, la passion dans la loyauté, lui qui avait tant remâché l'herbe empoisonnée de la trahison, la joie du cœur dans une vie réglée et doucement, divinement monotone, lui qui avait tant erré loin de tout foyer, l'orgueil d'une famille, lui qui avait si souvent pleuré à l'idée du chemin qu'eût pris sa vie avec une certitude sur l'enfant de sa haïssable maîtresse. Ah, qu'elle méritait bien être haïe, celle qui lui avait si longtemps dépravé le cœur. En repassant ainsi les phases diverses de ce long martyr, il s'abandonnait sans le savoir à ce mirage particulier d'imagination qui veut qu'après avoir été très malheureux à l'occasion d'une femme, nous ne sachions plus discerner dans ce malheur notre part de responsabilité. Il ne faisait plus à Pauline Raffray le crédit de penser qu'après tout, il n'avait pas tenu l'indiscutable démonstration de son infamie. De plus fortes apparences ont fait condamner tant d'innocents. Il ne se faisait pas lui-même le reproche de ne jamais avoir contrôlé la cruauté féroce de son jugement sur elle par une enquête sur la manière dont elle vivait dans la solitude de sa campagne. Il ne savait même pas si elle restait dans cette campagne ou si elle voyageait, si elle revenait à Paris maintenant de temps à autre ou s'il avait renoncé tout à fait à ce séjour. Quoi qu'elle fasse, se disait-il, elle fait le mal. Elle lui apparaissait comme une créature d'une perversité profonde et implacable. Et voici qu'il venait d'apprendre qu'elle était là, qu'elles étaient là, toutes deux, elle et son enfant, à deux pas de Madame Silly et d'Henriette. Monstrueux voisinage, dont l'idée l'affolait davantage à mesure qu'il prenait et reprenait ces scènes de sa vie de faute et de souffrance, presque absolument oubliées depuis son entrée dans le doux et frais éden de son pur amour. Et toujours il se heurtait à cette question, que veut-elle ? Évidemment, elle a su mon mariage prochain et mon séjour ici, est-ce une vengeance ? La démence de son horreur pour cette ancienne maîtresse était-elle qu'il allait plus loin? Est-ce un projet d'exploitation? En serait-elle descendue à cette bassesse? Serait-elle venue à Palerme avec la pensée d'un chantage au moyen de l'enfant? Il ne trouvait plus en lui la force de faire le raisonnement bien simple que Pauline, s'étant eue des années, n'avait aucun motif pour commencer aujourd'hui à le tourmenter. Il ne voyait que cette présence et il continuait d'en être bouleversé à la folie, jusqu'à ce qu'ayant pris une photographie d'Henriette, il finit pourtant par se dire, après l'avoir contemplée, « Ah, je l'aime, elle m'aime, et rien, non rien, ne pourra nous séparer. » Et il baisa ce portrait de son bon ange, comme pour exorciser son mauvais génie, longuement, tendrement, religieusement.